science supramentale et science conventionnelle. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! Éventuellement, la science cartésienne, qui repose sur une compréhension intellectuelle et limitative de la réalité, devra tenir compte de la science supramentale. Cela est dans l'optique qu'il y ait un changement de paradigme scientifique en vue du développement d'une science plus vaste. Il serait intéressant que les universités et les scientifiques intègrent la science supramentale pour avoir une compréhension multidimensionnelle de l'humain plutôt que seulement intellectuelle. Dans cette optique, cela va demander la reconnaissance scientifique du principe fondamental à l'effet que la pensée ne provient pas du cerveau humain. Elle découle plutôt d'entités qui l'acheminent à l'individu. Il va la capter comme une radio qui intercepte une onde qui est véhiculée dans l'espace. Pour éviter les abus de croyances qui ont eu cours au fil des derniers siècles, de par des sectes, des mythes et des superstitions, les scientifiques ont exigé des preuves de ce qui est avancé pour élaborer une science de manière rationnelle et vérifiable sur le plan empirique qui s'adresse à l'intellect. Cela a permis, entre autres, aux médecins de développer des traitements médicaux s'appuyant sur des études scientifiques multiples témoignant de leur validité, de faire des gains d'efficacité et d'éviter des abus. Donc, cela a eu son utilité, mais demeure limitatif. Éventuellement, il serait intéressant que des chercheurs en autorité dans les universités, comme des individus ayant des doctorats, étudient la conscience supramentale. Cela va prendre des gens qui vivent la fusion avec l'esprit et qui vont avoir le mandat de faire le pont entre la science cartésienne et la science de l'esprit. Cela serait dans l'optique qu'elle puisse être intégrée par les universitaires et reconnue éventuellement par l'ensemble de la communauté scientifique. Il pourrait être intéressant qu'il y ait des recherches sur la conscience supramentale pour en reconnaître la validité des principes, comme celui à l'effet que la pensée ne provient pas du cerveau humain. Puis, une fois que cela va être fait, il pourrait être utile d'évaluer l'efficacité de traitements médicaux et thérapeutiques s'appuyant sur ces principes. Par exemple, il pourrait être pertinent d'évaluer auprès de patients qui seraient traités en ayant recours aux principes de la psychologie supramentale pour savoir si cela amène ou non une amélioration de leur état de santé. Donc, un questionnaire sur l'évaluation de l'état de santé pourrait être rempli par le patient avant et après l'intervention. La comparaison des réponses entre les deux pourrait être utilisée ensuite pour savoir si ces principes améliorent réellement ou non leur état de santé. Après, si c'est le cas, les professionnels du domaine de la santé et de la relation d'aide, soit les psychologues, les psychothérapeutes, les travailleurs sociaux, les psychiatres et les médecins, vont pouvoir l'utiliser officiellement dans leurs interventions avec les patients dans le cadre de leur pratique professionnelle. Donc, cela risque d'être long avant que la science supramentale soit reconnue officiellement et utilisée par les professionnels en Occident. D'ici là, les membres d'ordre professionnel ne peuvent pas officiellement utiliser les principes de la science supramentale dans leur pratique avec les patients parce qu'ils pourraient être réprimandés par leur ordre professionnel pour avoir effectué un traitement ne s'appuyant pas sur des approches reconnues par la science actuelle. Comme les ordres professionnels visent la protection du public contre les abus, elles vont préférer que leurs membres n'utilisent pas une science nouvelle tant qu'elle n'est pas reconnue par les scientifiques. Ce principe de prudence va faire en sorte que son utilisation officielle va être retardée. Donc, cela va prendre du temps avant que des patients puissent en bénéficier dans un contexte professionnel pour les aider à améliorer concrètement leur sort. Donc, la personne auquel se nuit le plus, c'est le patient. S'il dit qu'il entend des voix d'entités, d'êtres décédés, d'anges, d'extraterrestres, eh bien, il est étiqueté comme ayant un problème de santé mentale automatiquement. Par contre, lorsque la science supramentale sera intégrée à la science actuelle, la validité de son expérience pourra être reconnue officiellement, à savoir que ce n'est pas parce qu'il dit entendre des voix qu'il hallucine nécessairement pour autant. Donc, il y aurait une ouverture à reconnaître que ce qu'il dit puisse être réel. Par contre, le professionnel devra faire preuve d'esprit critique pour ne pas tomber dans l'autre extrême, parce que ce n'est pas parce qu'un patient dit communiquer avec l'archange Gabriel que c'est automatiquement le cas. Ainsi, le patient ne sera plus systématiquement incompris et nié dans son expérience par les professionnels du domaine de la relation d'aide et de la santé. Il pourra alors se sentir réellement écouté et respecté par eux. Aussi, ces professionnels pourront parler ouvertement de contacts avec des entités qu'ils peuvent vivre sans avoir peur d'être étiquetés automatiquement comme ayant un problème de santé mentale grave auprès de leurs collègues et patients. Donc, la communication télépathique avec des entités ne sera plus un sujet tabou. Présentement, il y a peut-être plusieurs professionnels qui sont en contact avec des entités et vivent des expériences paranormales qui n'en parlent pas ouvertement, étant donné que ce type d'expérience n'est pas reconnu par les autorités scientifiques officielles comme étant réel. Ainsi, il est possible que sur une équipe médicale d'une douzaine d'employés, il y en ait 10 qui ont déjà vécu des expériences paranormales, mais qui n'en parlent pas aux autres de peur d'être jugés comme étant anormaux aux yeux de la majorité. Ces expérienceurs du paranormal pourraient être enclins à reconnaître que ce type d'expérience dont leur parlent certains de leurs patients soit possible. Par contre, même s'ils en ont vécu de similaires, ils ne le feront pas car leur existence ne fait pas consensus au sein de la communauté scientifique. Donc, le patient peut se sentir incompris dans son expérience s'il se fait dire systématiquement, sans évaluation objective de son fonctionnement psychique, qu'il hallucine parce qu'il dit parler avec des entités ou des extraterrestres et qu'il doit prendre des médicaments parce qu'il a un problème de santé mentale grave. Ce genre de propos peut le contrarier et l'amener à vouloir délaisser les professionnels de la science officielle parce qu'il ne se sent pas compris par eux. Il pourrait ensuite se retourner vers des gens qui œuvrent dans les sciences occultes, ésotériques et spirituelles. Ces praticiens des sciences parallèles ne font pas partie d'ordres professionnels et n'ont pas de code de déontologie pour encadrer leurs pratiques. Par conséquent, il peut y en avoir de très compétents et d'autres qui ne le sont pas du tout. Dans le pire des cas, les patients risquent d'être victimes d'abus de la part de gourous, de sectes, de médiums ou de guérisseurs qui, au lieu de faire preuve d'un excès de fermeture à l'égard du paranormal, feront plutôt preuve d'un excès d'ouverture à des croyances nuisibles. Par conséquent, il serait intéressant que les scientifiques actuels fassent des recherches pour découvrir l'existence des entités évoluant au-delà du plan physique, en vue d'en tenir compte officiellement et de tirer profit de cette compréhension pour que le patient vivant des expériences paranormales soit mieux traité par eux, puis cela permettra d'avoir, éventuellement, une seule science intégrale, plutôt qu'une science matérialiste bordée d'un côté et d'un autre une science parallèle qui touche à la dimension de l'esprit. C'est ainsi que se termine la lecture du texte s'intitulant « Science supramentale et science conventionnelle ».